En ce mercredi, nous poursuivons notre semaine sur l'histoire de l'esclavage. Après avoir évoqué la mémoire de l'esclavage au Bénin lundi, puis hier avoir débattu de la patrimonialisation, rendons-nous aujourd'hui au mémorial Acte de Pointe-à-Pitre, tout juste inauguré. Aujourd'hui, la Fabrique de l'Histoire vous propose une balade, une promenade dans un lieu de mémoire et d'histoire, le Mémorial Acte de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, inauguré le 10 mai dernier par le président de la République et le président de la région Guadeloupe, Victorin Lurel. Une balade orchestrée par Séverine Yattard dans une prise de son d'Yvon Charby et une mise en onde de Séverine Cassard avec les témoignages et analyses de Luc Renette, Jean-Pierre Sainton, Bruno Hérault, Frédéric Régent et Thierry Létang. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. C'est un concept très fort qui s'appelle « Silver roots on a black box », des racines d'argent sur une boîte noire. Et ces racines d'argent étaient inspirées du lieu même, ce qu'on appelait le Morne Mémoire, depuis cette colline qui relie d'ailleurs le bâtiment construit au jardin qu'on appelle le Morne Mémoire, qui domine cette baie caraïbe que nous regardons. Et ce sont en fait les racines du figuier maudit qui ont inspiré les architectes pour créer cette résille absolument magnifique et qui devient le phare, qui devient le monument probablement emblématique pour de longues années pour la Guadeloupe. Et la boîte noire, Bruno Hérault, elle scintille ? Oui, la métaphore, c'est de dire tous ces quartz dans cette pierre nous rappellent les âmes disparues. Et nous devons faire acte de mémoire à travers ce qu'on appelle le Mémorial Acte. C'est la mémoire qui devient active et qui nous raconte l'histoire, qui nous oblige à ne pas oublier, mais qui nous projette dans le présent. Et ça, c'était à l'origine du projet, une idée permanente, qu'il fallait que ce soit un mémorial tourné vers l'avenir. Hein, c'est la devise. Oui, ce qui est essentiel, c'est on n'est d'abord pas un musée. On est un centre d'interprétation. Ça veut dire quoi la différence ? C'est qu'un musée, il a des collections, et ces collections sont valorisées à travers l'objet qui va parler aux visiteurs. Ici, on est un centre d'interprétation. Pourquoi ? On a écrit des thèmes, un travail qui a été fait avec un comité scientifique, avec Thierry Létang, chef du projet. Et à partir de ces thèmes, on a dit comment on va les valoriser du point de vue de la médiation vis-à-vis du public. Et là, je pense qu'en cela, le mémorial va être peut-être pour longtemps un centre d'interprétation avant-gardiste parce qu'il rassemble des objets patrimoniaux qu'on peut qualifier de muséographiques dans un musée classique, mais aussi des expressions contemporaines. Le travail d'artistes contemporains de tous les continents, africains, caribéens, américains du Nord. Et il rassemble aussi une scénographie extrêmement puissante qui est celle de François Confino. Et puis, bien entendu, tous les outils multimédia les plus sophistiqués aujourd'hui. Et donc, l'assemblage de ces choses-là laisse penser qu'on est dans un dispositif extrêmement innovant, pas simplement pour la Guadeloupe, pas simplement pour la Caraïbe, mais à l'échelle de la planète Terre. Bruno Hérault fait partie de l'équipe qui a conçu le projet du Mémorial Acte en Guadeloupe, le centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Nous l'avons rencontré à la veille de l'inauguration du bâtiment le 10 mai par François Hollande, en présence de nombreux chefs d'État du continent africain et des Caraïbes. En 2001, la loi Taubira tendait à la reconnaissance de l'esclavage et de la traite en tant que crime contre l'humanité. La création d'un comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, ou l'ouverture en 2012 du mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes, avait aussi pour vocation de prôner la lucidité historique, apaisant ainsi une mémoire honteuse et douloureuse. Sans être un lamentarium, le Mémorial Acte se veut lieu de recueillement, lieu d'étude, de commémoration et de réconciliation des mémoires collectives. Il propose, entre autres, des espaces d'exposition, une salle de recherche généalogie, une médiathèque ou un centre de ressources. Le terrain qui a été choisi pour construire ce bâtiment n'est pas anodin puisque c'est les anciennes sucrières d'Arboussier. Oui, ce sont les anciennes usines sucrières de d'Arboussier qui ont servi de support au Mémorial Acte. Et effectivement, elles sont postérieures à l'abolition de l'esclavage, mais elles correspondent à une histoire qui nous a transportés jusqu'à aujourd'hui avec cet instrument de l'économie majeure de l'archipel guadeloupéen qui est effectivement le sucre et la production du sucre qui a été abandonnée, on le sait ensuite, pour d'autres formes d'exploitation sucrière, entre autres avec la betterave sucrière en Europe, ce qui fait qu'on n'avait plus besoin de cette exploitation de la canne à sucre sur le territoire caribéen pour répondre aux besoins internationaux. petite chronologie peut-être et les étapes finalement de ce mémorial dont l'idée a émergé les années 98, notamment du fait du Comité international pour le peuple noir dont était président l'Ukrainet. Et puis le projet s'est poursuivi jusqu'à ce que Victorin Lurel le valide d'une certaine manière. Oui, c'est la société civile qui est porteuse de ce projet à l'origine. En effet, c'est M98, mais aussi beaucoup d'historiens. Un comité piloté par le professeur Adélaïde Merland qui a emmené une équipe d'historiens pour travailler sur ce projet. C'est vrai qu'en 1998, exactement le 27 mai 1998... Luc Reynet, président d'honneur du Comité international des peuples noirs. Après avoir reconstitué l'arrivée de bateaux négriers à la Darse, au Pointe-à-Pitre, donc sur la place principale au Pointe-à-Pitre, où 10 000 personnes étaient présentes, ce sont les chiffres donnés par le quotidien France-Antilles, nous avons fait un trajet en simulant l'évasion donc, d'hommes et de femmes réduits à l'esclavage. On les a suivis dans leur fuite, si vous voulez, et... ils sont arrivés devant la statue d'Ignace. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Ignace est l'un des héros de la Guadeloupe, un des héros qui se sont battus contre le rétablissement de l'esclavage en 1802. Et c'était la première fois dans notre histoire que des Guadeloupéens rendaient hommage à l'une des grandes figures de la lutte anti-esclavagiste. Ensuite, la foule s'est dirigée vers Paul Caraïbe. Paul Caraïbe, c'est l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Le lieu où la région, à l'époque, c'était Mme Chevry, avait mis à notre disposition un délaissé de terrain de 7 500 m². Et là, le 27 mai au soir, nous avons fait la pose de la première pierre de ce qui devait être le mémorial caribéen de la traite et de l'esclavage. Pendant 10 ans, donc depuis 1998 à 2008, nous avons porté seul l'association, le CIPN, le Comité international du peuple noir, le projet. Et plus tard, M. Lurel, effectivement, président de la région, a conçu l'idée de construire ce mémorial. Alors, que ce soit bien clair, nous avons accepté une transmission. Et c'est le 27 mai 2008, 10 ans après, que moi-même, en tant que président à l'époque du CIPN, j'ai transporté sur plusieurs kilomètres, depuis le site de l'aéroport jusqu'au site de Darboussier, la première pierre qui a été posée une deuxième fois. Voilà. Et c'est ça l'histoire. C'est pourquoi je tiens à préciser que nous sommes très heureux de la construction, finalement, de ce mémorial. Et ça reste pour moi le mémorial des Guadeloupéens et au-delà des Caribéens. C'est ça qui était fondamental. C'est pourquoi je demande aux Guadeloupéens et aux Caribéens de se l'approprier. Je crois que c'était une initiative et une idée absolument importante. Jean-Pierre Sainton, professeur à l'Université des Antilles et membre du comité scientifique du Mémorial Act. D'abord parce qu'effectivement, il n'y a pas tant de musées dans le monde qui soient consacrés à l'esclavage, et notamment à l'esclavage américain, à l'esclavage d'habitation, à l'esclavage plantationnaire. Il n'y en a pas tant que ça, et il n'y en aura, j'ose dire, jamais trop. Et singulièrement, dans la Caraïbe, il n'y en avait pas non plus. En tout cas, pas de musée, disons, digne de ce nom. Peut-être des départements, dans des musées régionaux, dans des musées nationaux, dans des petits musées nationaux. Et de ce point de vue, ça me semblait tout à fait légitime. D'autant plus que, bon, la Guadeloupe, et ça c'est un petit peu la particularité de l'histoire de la Guadeloupe, comme d'autres terres de la Caraïbe insulaire, a subi l'esclavage pendant 2 siècles, mais a été une terre très symbolique. Bon, chaque île, chaque terre dans la Caraïbe a son histoire particulière, son rapport avec l'esclavage, la société esclavagiste, la matrice esclavagiste, et la Guadeloupe à la sienne, en particulier le fait que sur cette terre de Guadeloupe, il y a eu, à la fin du XVIIIe siècle, une première libération de l'esclavage en 1794, et il y a eu un rétablissement de l'esclavage en 1802. Et donc, par conséquent, la mémoire guadeloupéenne est extrêmement sensible à ce thème-là. Les Guadeloupéens se disent volontiers rebelles. Alors peut-être qu'il y a, dans notre rapport à ce gène de rébellion, peut-être sans doute certains fantasmes historiques, mais il y a aussi une réalité que l'on retrouve dans toute la trame de l'histoire de la Guadeloupe. Il y a eu toujours ce souvenir de l'esclavage, des luttes anti-esclavagistes, des rébellions anti-esclavagistes, et donc ça me semblait tout à fait fondé qu'il y ait en Guadeloupe un lieu mémoriel de l'histoire de l'esclavage. Maintenant, ce qu'il y aura dedans, ce qu'il y a à faire à partir de ça, ça nous appartient. Ça appartient, disons, non seulement aux chercheurs, aux historiens les plus divers, mais ça appartient également au peuple guadeloupéen, ça appartient également à tous ceux qui veulent se tourner vers cette page d'histoire qui est souvent, alors non seulement occultée, mais surtout gênante dans la contemporanéité. Pourquoi gênante ? Ah ben, gênante parce que, si vous voulez, l'histoire de l'esclavage fait partie d'une histoire plus vaste, qui est celle du monde afro-américain, ou bien, disons, du monde noir, avec les guillemets qu'on peut vouloir mettre, mais ça a tout de même un sens. Deuxièmement, l'histoire de l'esclavage fait partie de l'histoire de la colonisation. Vous savez tous les débats contradictoires et passionnels qu'il y a eu sur la colonisation positive ou négative. Il y a eu ce fameux retour, surtout très sensible en France, selon lequel une grande partie de l'opinion française, et c'est de plus en plus sensible, ne veut pas porter la lourdeur de la mémoire de l'esclavage, ne se sentant pas responsable de l'esclavage. En même temps, vous avez en face, effectivement, un stigmate de l'esclavage, non seulement dans la sociologie de la Guadeloupe, dans la sociologie de ces territoires, mais en plus dans la culture, y compris dans la culture, dans le rapport à soi, dans le rapport de l'individu à l'individu, le rapport que la société a dans son tissu interne. Et donc, par conséquent, c'est ça qui fait la problématique de la société esclavagiste que nous avons traversée. Et à un autre niveau, nous l'avons davantage par exemple, que les Antillais anglophones, qui, eux, ont connu un processus d'indépendance, de self-reconnaissance, si vous voulez, que nous n'avons pas eu, ou du moins la reconnaissance qui s'est produite aux Antilles françaises s'est faite dans l'assimilation, en grande partie. Et donc, par conséquent, il y a dans les deux points de vue une sorte d'angle mort. On ne se voit pas, on ne se retrouve pas. Et donc, ce qui fait que cette question est aujourd'hui extrêmement passionnelle. Et par conséquent, un Memorial Act est un instrument, je ne pense pas que ce soit la panacée universelle, mais c'est un instrument de fixation. Alors, j'utilise avec beaucoup de précaution le terme mémoire. Je dirais de fixation d'éléments d'histoire, d'éléments de mémoire, d'éléments de culture, de réflexion, pour pouvoir aborder cette matrice sociale, cette matrice économique qui a donné nos sociétés antillaises. Au moment de l'esclavage, au moment de l'esclavage, au moment de l'esclavage, au moment de l'esclavage, nègre chapé. Nègre chapé. Après cette présentation du projet du Memorial Act, nous entamons une visite pré-inaugurale avec Thierry Létang, anthropologue et chef du projet culturel et scientifique du bâtiment, et Frédéric Régent, maître de conférence à l'Université de Paris 1. Là, Thierry Létang, nous sommes dans un lieu un petit peu particulier, nous sommes dans la salle des généalogies, destinée à faire des recherches. Voilà, dès le départ, cet espace généalogique, de recherche généalogique, est donc prévu pour tous ceux qui veulent en savoir plus, sur leur famille, sur leur patronyme. Donc nous avons monté cet espace avec Bruno Badiche, avec Michel Rogers, qui est un généalogiste amateur qui a fait beaucoup de recherches sur les familles et qui a plusieurs milliers d'arbres généalogiques de familles guadeloupéennes. Une recherche qui lui a pris quelques 12 années. Nous voyons défiler des arbres généalogiques de familles guadeloupéennes, alors où Michel a remonté le temps le plus loin possible, car vous savez que les esclaves n'ont pas de nom de famille, ils ont un prénom. Donc cette recherche patiente a permis de retracer autant que possible les généalogies des Guadeloupéens. Et plus tard, nous allons augmenter ce fonds par d'autres pays de la Caraïbe, la Martinique, Sainte-Lucie, Dominique. Et ce centre sera connecté donc à toutes les bases de données dont nous allons pouvoir disposer pour ce faire. Et alors comment, au départ, vous avez pu collecter justement des données, puisque c'était très compliqué, c'est par quelles archives, je ne sais pas, peut-être Frédéric Régent ou, en fait, oui, voilà, alors donc il s'agit de registres de nouveaux livres. Donc ces registres ont été créés à partir de l'abolition de l'esclavage. Et donc il s'agissait de donner des noms de famille à tous les esclaves. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les officiers d'état civil se sont déplacés de plantation en plantation, et puis ont donné des noms de famille. Alors, les propriétaires d'esclaves avaient ce que l'on appelle un registre matricule, dans lequel ils inscrivaient tous les esclaves dont ils étaient propriétaires. Donc, chaque esclave avait un numéro, enfin, c'était un numéro qui était communal, et donc des noms de famille ont été donnés. Alors, les logiques pour donner les noms de famille sont très variables d'un officier d'état civil à l'autre. C'est vraiment en fonction de leur inspiration. Par exemple, vous en avez certains qui sont très influencés par la Rome antique. Alors, vous avez des noms de famille comme Gracchus, Cincinnatus, d'autres par le catholicisme. Alors, vous avez des Ismaël, des Josué, certains par la géographie française, vous avez des Marseille, des Nice. Et puis aussi, vous trouverez beaucoup de noms de famille qui sont des prénoms. Parce que parfois, l'esclave pouvait s'appeler Anne dite Luce, et puis Luce devenait son nom de famille. Et aussi, certains utilisaient donc les anagrammes. Par exemple, Augustin devient Nistugo. Alors parfois, beaucoup plus rarement, mais c'est ça qui frappe toujours la population, parfois ça peut être aussi des injures. On a trouvé Gros Poil. Ou alors un esclave qui s'appelait Cinq Sous, eh bien son nom de famille, ça va devenir Misère. Et cette logique de donation des patronymes correspond vraiment, entre guillemets, au bon vouloir du maître qui présente le registre matricule et de l'officier d'état civil. Bruno Badi. On a en fait deux niveaux dans cet espace de généalogie. Ici, on est dans un espace scénographié et grand public. Donc, on respecte la règle de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui nous interdit de diffuser, de publier des noms de personnes nées après 1895. Néanmoins, on invite les visiteurs à passer la porte et ensuite s'installer devant des postes de travail encadrés. Et on va l'inviter à travailler à sa propre généalogie, à aller chercher en ligne, grâce aux bases de données de plus en plus développées, d'archives en ligne. On n'est pas un centre d'archives, on est un centre qui va proposer de travailler avec les archives départementales, nationales, outre-mer, d'autres pays aussi, pour venir chercher les informations et ainsi étoffer son propre travail. Frédéric, qui a saisi la famille Réjean, hein, et qui trouve là encore quelques informations. Vous voyez ici donc mon arbre généalogique familial, et donc Zoflora qui était esclave, ainsi que son fils Montlouis qui était esclave, donc auquel le nom de Réjean a été donné au moment de l'abolition de l'esclavage. Et voyez le petit-fils de Montlouis, donc voyez Anastase, c'est mon arrière-grand-père. Voilà. Et donc on voit pas sa compagne. Alors, il a eu la particularité d'être donc un petit-fils d'esclave, mais qui a été le compagnon d'une femme blanche créole. Et donc, ils ont eu 6 enfants, dont mon grand-père. Et alors, ce qu'il y a d'étonnant dans cette famille, enfin, c'est une particularité de notre famille, hein, c'est que cette blanche créole était elle-même descendante de propriétaires d'esclaves. Donc, vous voyez, en l'espace de peu de générations, on voit se mêler à la fois des descendants d'esclaves et des descendants de propriétaires d'esclaves. C'est ce qui est toute la problématique, un petit peu, Frédéric Réjean. En tous les cas, vous travaillez aussi sur ce sujet-là. Une société voilà, métissée, avec des histoires en fait, qui s'entrecroisent, des mémoires aussi qui se mêlent. Oui, alors c'est à la fois des histoires familiales, des récits de ces histoires familiales, et c'est intéressant d'être confronté avec justement les documents historiques, parce que parfois il y a des mythologies dans les familles qui sont fausses. Alors, je vais prendre un exemple, donc la compagne d'Anastase Réjean, qui s'appelait Henriette Perrer, on disait qu'elle était née sur un bateau, qu'elle venait de Bretagne, en faisant sa généalogie. Oui, elle avait des ancêtres qui venaient de Bretagne, mais un siècle et demi avant. Donc, et après, c'est parfois très difficile. Ah oui, mais j'ai toujours entendu ça, de convaincre les personnes du contraire. Vous avez d'autres cas. Moi, je suis descendant d'esclaves, qui lui-même est devenu propriétaire d'esclaves, y compris de sa mère, de ses enfants et de sa femme. Donc la complexité, elle est là dès l'origine. Et il n'y a qu'à s'en féliciter. C'est pour nous une chance, une diversité. C'est notre caractéristique d'être des gens compliqués. Voilà. J'ajouterais aussi une chose maintenant que je suis en train de faire les généalogies des familles de propriétaires d'esclaves, et je me rends compte que beaucoup d'entre eux, lorsqu'on regarde bien, donc ils sont considérés comme blancs, recensés comme blancs, ils ont une arrière-grand-mère qui est amérindienne ou africaine. Et parfois, pour se faire intégrer dans la catégorie des blancs, ils font même des procès, et ces procès leur donnent le titre de blanc. Et donc, on a une similitude avec le fonctionnement de la noblesse en France, qui, comme chacun le sait ou ne le sait pas, est formée de beaucoup d'anoblis. Et donc là, on a des gens qui deviennent blancs. Et Schœlcher disait, mais si on a transformé ces gens en blancs, c'est peut-être parce qu'on avait besoin de blancs à ce moment-là. Oui, il y a même des certificats de blancs. Et j'ajouterais une chose, à un moment il y a des grandes rivalités, alors là ça se passe en Martinique, entre blancs et libres de couleur. Les libres de couleur vont faire une liste dans laquelle ils disent tous ces gens-là ne sont pas vraiment blancs. Ça finit par un massacre de 17 personnes à Saint-Pierre en 1790. Et d'ailleurs, les libres de couleur traitent les autres blancs de demi-blancs. Bon, vous voyez, c'est très compliqué. Alors nous sommes rentrés dans l'exposition. L'exposition permanente parce qu'il y a aussi une salle d'exposition temporaire. Et donc dans cette première salle, Thierry Létang, vous avez choisi de présenter la conquête des Amériques. Tout commence pour nous, notre histoire commence en 1493, date du second voyage de Colomb, voyage au cours duquel il va nommer l'île où nous sommes, l'île de Caloucaïra. L'île au gommier, l'île où l'on trouve de la gomme, donc de l'encens, nourriture des dieux pour les Caraïbes insulaires, et île qu'il va nommer Guadeloupe, à la faveur d'un vœu qu'il a fait quelques mois auparavant, en traversant l'Atlantique pour la seconde fois au retour de son premier voyage, où pris dans une tempête, même dans plusieurs tempêtes successives, il va implorer la Vierge Noire, Notre-Dame de Guadeloupe, qui est une Vierge Noire appartenant quasiment à la famille royale, qui est connue comme une Vierge miraculeuse. Il va donc l'implorer afin de pouvoir arriver sain et sauf en Espagne. Et une fois arrivé, il va se rendre au monastère de Notre-Dame de Guadeloupe, où il va prier comme selon son vœu, mais il va promettre également aux moines du dit monastère que quand il va retourner aux Indes, ce qu'il croit être les Indes, il va nommer la première belle et grande île qu'il va trouver du nom du monastère, à savoir Notre-Dame de Guadeloupe. Il arrive ici en novembre 1493 et nomme cette île Guadeloupe, mais il va également nommer toutes les îles aux alentours de noms de saints ou de saintes. Sainte Lucie. Alors donc c'est une statuaire en... En pierre tendre portugaise du 15e siècle. Nous avons à côté une autre statuette en bois polychrome, toujours portugaise, de Saint-Christophe, qui va être la mère des colonies des petites Antilles, colonisée en même temps par les Anglais et les Français, vers 1625. Et nous avons derrière une statue un peu plus grande, de bois polychrome, de châtaignier, toujours portugaise, de Saint-Jean-Baptiste, San Juan Bautista, le nom qu'il va donner à l'île de Porto Rico. Ce qu'il faut préciser, c'est que le Memorial Act ne va pas ouvrir tout de suite, donc tout n'est pas encore en place. Donc c'est pour ça aussi. Pour la visite présidentielle, c'est que 60% à peu près des modules seront présentés, mais la totalité à partir de début juillet, lors de l'ouverture au grand public. On va peut-être passer dans la salle qui est celle dédiée à la conquête des Amériques. Vous avez devant vous Saint-Jacques le Majeur, qui est le saint des conquistadors, le Santiago Matamoros, le Matamor, le tueur de morts ou de nègres, comme vous voulez, sous son cheval, qui est un guerrier, avec sa coquille Saint-Jacques sous son couvre-chef. Dans la vitrine d'à côté, quelques éléments d'échange entre Européens et Amérindiens, qui sont très friands de fer, puisqu'ils sont ici aux Antilles à l'âge de la pierre polie, donc ils adorent le fer, les couteaux en fer, ils adorent les perles de Venise, les hameçons, les dés à coudre en laiton dont ils se servent comme ornement. À côté, nous avons une autre vitrine également qui nous présente quelques artefacts de Sémi, qui sont les divinités arawak insulaires, un pilon et une potiche rituelle. Et ces objets, Thierry Létang, donc, c'est dans les fonds de Gaudelbien, vous les avez fait venir. Nous avons dû constituer cette collection au fur et à mesure que le bâtiment s'élevait. Les choix sont contenus dès le départ dans le profilage du discours culturel et scientifique, et à chaque séquence est associé un certain type d'objet. Et donc il a fallu les trouver, il a fallu les faire venir de peu partout, d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, partout où il y en a eu. Alors, ce qui est aussi assez particulier dans ce parcours d'exposition permanente, c'est que vous avez choisi de mélanger à la fois des documents historiques, des objets et des œuvres de créateurs. Oui. Et ça, c'était quand même une gageure, une particularité du mémorial. Ici, nous avons une œuvre de Thierry Allais, qui est un artiste guadeloupéen, qui nous présente la traduction en code couleur du « Je vous salue Marie » du Père Breton. Alors, le Père Breton est un missionnaire très connu qui a édité deux dictionnaires, un dictionnaire caraïbe-français, un dictionnaire français-caraïbe, un catéchisme et une grammaire caraïbe. Et donc, ça donne des petites plaquettes de couleurs qui sont collées les unes à côté des autres et qui, oui, effectivement, forment un texte. Alors, le Père Breton était donc un des premiers missionnaires envoyés en Guadeloupe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1635, le premier convoi qui arrive en Guadeloupe pour faire la conquête de l'île est formé de 50 hommes libres et de 500 engagés, c'est-à-dire des Européens qui sont sous un statut de servitude, qui n'ont pas les moyens de traverser l'Atlantique et qui, pendant 3 ans, doivent travailler pour le maître qui les a engagés. Et donc, accompagnent ces premiers colons, des missionnaires, dont le Père Breton, et notre connaissance de cette première conquête de la Guadeloupe par des Français, c'est le Père Breton qui nous la donne. Donc nous passons à la troisième salle de ce parcours historique, qui est là dédiée aux pirates, corsaires et formants, les pères des colonies françaises des Amériques, que sont Thomas Warner et Pierre Belin d'Enambuc. Pierre Belin est bien un corsaire, naviguant depuis des décennies et dès son jeune âge dans la Caraïbe. Et ce sont ces corsaires-là qui vont à Saint-Christophe d'abord, puis en Martinique et en Guadeloupe, se transformer en planteurs de tabac. Et là, vous avez choisi vraiment une mise en scène, hein. C'est cinématographique, on va dire, cinématographique. Cette salle, parce qu'on est sur une proue de bateau et en fait, on a un écran qui diffuse des scènes de bataille, d'abordage, pour montrer un peu que cette histoire est également la nôtre. Ce n'est pas seulement des choses qu'on voit à la télé et mises en scène par Walt Disney. Nous sommes bien dans la Caraïbe et malheureusement, en tant que fils et petit-fils d'officier de marine, je trouve dommage que cette histoire-là ne soit pas mieux intégrée par nous-mêmes, parce que c'est bien de nous dont il s'agit. Et puis le rôle des pirates et de la piraterie, non? Oui, alors... rarement souligné, enfin, il me semble. Effectivement. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le trésor de Cortés, lorsqu'il fait la conquête de l'Empire aztèque, eh bien, il y a un corsaire de François Ier qui s'empare d'une partie du trésor. Et donc, les Français vont d'abord fréquenter les Antilles en tant que corsaire, en tant que contrebandier. Et puis, c'est à partir de 1625. Alors, c'est d'abord une colonisation qui est informelle. Et puis finalement, en 1626, Richelieu va créer la compagnie de l'île de Saint-Christophe qui se lance dans la colonisation d'abord de Saint-Christophe, qui aujourd'hui est une île anglaise, Saint-Kitts, puis de la Guadeloupe en 1635 et de la Martinique la même année en 1635. Alors, conquête qui succède à près d'un siècle et demi, il faut le dire, de résistance des Caraïbes insulaires ou des Kalinagos, qui sont invaincus devant l'Empire espagnol. L'Espagne n'a jamais pu mettre de façon pérenne le pied dans les petites Antilles, comme elle l'a fait au Mexique ou chez les Incas, en s'appropriant des empires de 30 millions d'individus. Ici, elle a face à eux les plus grands guerriers des Amériques, qui sont peu nombreux, mais extrêmement à l'aise, sur terre comme sur mer, qui utilisent la flèche empoisonnée et qui sont véritablement des durs à cuire. Juste Thierry Létang, on va passer à la salle suivante, mais on n'a pas parlé de l'organisation de l'exposition avec son système d'archipel. D'archipel. Voilà, les îles, en fait les modules historiques, qui narrent cette histoire sont réunis en groupe d'îles, donc en archipel. Nous sommes bien en milieu insulaire. Nous avons donc 6 archipels qui scandent un petit peu ce parcours. Et là, nous allons arriver au second archipel qui intéresse directement là l'esclavage, la traite négrière. Alors ici, nous avons encore en montage une spirale du temps qui inscrit l'esclavage dans l'histoire longue, hein, car l'esclavage a commencé depuis les temps anciens, antiques, depuis les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Mésopotamiens. Donc vous avez ici une spirale du temps que le visiteur se rende compte qu'il s'agit véritablement de l'histoire de l'humanité et d'une histoire bien ancienne. Et d'une histoire longue, et très longue. Très longue. Alors ici, nous avons un module, nous avons intitulé « Le doute de l'Occident » et qui illustre un petit peu ces premiers occidentaux qui commencent à se poser des questions. Nous sommes en pleine conquête des Grandes Antilles. Un missionnaire dominicain, enfin, il est conquistador d'abord, puis deviendra l'un des premiers prêtres, d'ailleurs, du Nouveau Monde. Las Casas est témoin de massacres, se pose des questions. Et il prendra la suite d'un groupe de dominicains mené par le frère Anton de Montesinos, qui, en pleine messe cathédrale, quelques semaines avant la Noël de 1511, interpelle les colons espagnols de l'île en leur disant « Voyez, mais vous êtes fous, vous ne voyez pas que vous massacrez des individus qui meurent comme des mouches, aucun d'entre vous n'ira au paradis. » Il est sommé par les autorités de reprendre sa parole au cours de la messe du dimanche suivant. Non, il en rajoute une couche. Il est transféré de suite vers l'Espagne, traduit devant le roi, mais comme c'est un homme coriace, il arrive à obtenir de la couronne les premières lois encadrant la servitude indigène, les fameuses lois de Burgos, éditées en 1512. Alors, Las Casas, lui, va reprendre le flambeau de Montesinos, et cette lutte est concrétisée par la publication de dizaines de traités ou de pamphlets dans lesquels il dénonce le sort qui est fait aux indigènes. Nous avons ici environ 10 traités de Las Casas qui sont complets, publiés à Séville en 1552-1553, qui comptent parmi les 3 ou 4 exemplaires encore disponibles dans le monde et qui illustrent la fameuse controverse dite de Valladolid. Alors il faut ajouter simplement que Las Casas va au départ cautionner quelque peu la traite négrière transatlantique en substitution de l'esclavage des Amérindiens. Mais quelques décennies plus tard, il va se repentir amèrement de ses positions de jeunesse et va très nettement déclarer qu'il en va de même des Africains comme des Amérindiens. Toute traite est injuste, est une atteinte fondamentale faite aux libertés de l'homme. Il s'agit là en réalité des fondateurs des droits de l'homme modernes qui se font ici aux Antilles dans un contexte sanglant de choc des deux mondes. Ce qu'il faut voir, c'est que les Antilles étaient peuplées de très nombreux Amérindiens. Par exemple, à Hispaniola, qui correspond aujourd'hui à Haïti et à la République dominicaine, il y avait environ 1 million d'Amérindiens lors de l'arrivée de Christophe Colomb, et un siècle plus tard, il n'y a plus qu'une centaine d'Amérindiens. Donc il y a eu une déperdition énorme de la population, alors à la fois par les massacres, mais aussi en raison du choc microbien, c'est-à-dire les maladies que les Européens introduisent, dont les Amérindiens ne sont pas immunisés naturellement, les maladies aussi que les Africains eux-mêmes, comme la fièvre jaune, introduisent malgré eux par le biais de la traite négrière, et surtout un dérèglement de l'écosystème, parce que les Européens vont introduire des porcins, des bovins, des chevaux, qui vont détruire complètement l'écosystème qui permettait l'alimentation d'une population nombreuse sur ces îles. Alors là, Thierry Littand, on est devant une œuvre assez impressionnante, hein, magnifique. C'est l'arbre de l'oubli. Oui, qui est une œuvre de Pascal Martin Taillou, qui est un artiste camerounais très, très connu, qui nous a construit là l'arbre de l'oubli. Alors, initialement, qui certes est une œuvre artistique, mais qui semble correspondre en tout cas à un arbre qui se trouvait dans l'ancien comptoir négrier de Ouida, arbre autour duquel devaient tourner 7 fois les esclaves, s'ils étaient des hommes, et 9 fois s'ils étaient des femmes, avant de s'embarquer, un arbre fétiche, donc, un arbre vaudou, qui était censé faire à l'esclave oublier son passé, oublier sa douleur, oublier le fait qu'il quittait son pays définitivement, sa famille, etc., et soulager sa peine. L'artiste a traduit ça, voilà. Il y a des bois, des calebasses, des calebasses, pense, des fétiches, des masques, des mémoires comme ça, liquides, solides, empaquetées, emmagasinées dans les branches de l'arbre. Cet arbre, donc, qui est à Ouida, ce qu'il faut voir, c'est que Ouida est un comptoir de traite négrière. Il a la particularité d'avoir d'abord été un comptoir français, mais qui a ensuite été conquis par le roi africain du Dahomey. Et ce roi a poursuivi donc la traite négrière à Ouida. Et récemment, une délégation du comité de la marche du 23 mai 1998 a été reçue avec le président de la région Guadeloupe, Victorin Lurel. Et alors il y a eu une chose assez émouvante où finalement des descendants de ces souverains qui pratiquaient la traite négrière ont demandé pardon aux descendants d'esclaves guadeloupéens qui étaient présents. Et donc, Ouida symbolise là aussi toute la complexité de l'histoire de la traite négrière, où on voit des élites dominantes européennes et africaines finalement faire du commerce entre elles. Et ça, cette question quand même, Frédéric Réjean, elle revient dès qu'il y a commémoration, inauguration. C'est justement la question de la participation de certaines élites africaines, de certains rois africains à la traite négrière. Je lisais tout récemment un article qui critiquait le travail des historiens, qui eux, par contre, sont assez unanimes aujourd'hui pour dire que c'est une vérité historique. Oui, c'est une vérité historique. Et d'ailleurs, je crois que ça sera encore plus une vérité historique avec les mouvements qui se passent en Afrique, où des Africains qui appartiennent à des castes descendants d'esclaves revendiquent leur participation à la vie politique. Et eux, ils comprennent bien la problématique des dominants et des dominés. D'ailleurs, il me semble qu'au Sénégal, il y a un mouvement pour que l'esclavage soit déclaré comme crime contre l'humanité, mais un esclavage pratiqué au Sénégal. Nous nous trouvons maintenant, Frédéric Réjean et Thierry Létang, donc dans la salle Vers l'esclavage, que vous avez intitulée Vers l'esclavage et la traite négrière. Voilà. Où est présenté le fameux commerce triangulaire, hein. Il s'agit fondamentalement d'un commerce de troc, de son négoce qui intéresse premièrement des êtres humains, des hommes, et des femmes et des enfants, qui sont échangés contre des produits manufacturés, fabriqués en Europe occidentale. Alors, toute espèce de produits, de tissus, d'armes, de multiples formes, de haches, de barres de fer, les spiritueux également, eau de vie, alcool, gnoll et rhum divers, et des manies, c'est important. Ce serait une espèce de monnaie de traite. Frédéric Réjean ? Dans les marchandises de traite, à peu près pour la moitié, ce sont des textiles. Donc ici, c'est ce que vous voyez, ce sont des indiennes. Alors c'est un commerce qui est déjà mondialisé, parce que ces indiennes sont fabriquées en Inde. Les négociants européens les achètent avec de l'argent qui est produit au Mexique et au Pérou. Et ensuite, ces indiennes vont servir pour la moitié de marchandises de traite. Alors, autre marchandise de traite très importante, surtout dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ce sont les fusils. Chaque esclave est échangé contre un fusil. Du coup, il y a une propagation des armes à feu. Pour vous donner un exemple, en 1790, rien qu'à Saint-Domingue, il y a 42 000 esclaves qui sont introduits. Ça signifie que c'est l'équivalent d'armes à feu. Alors, il y a même dans un journal négrier où un esclave est échangé contre 16 fusils. Et les Africains recherchent les meilleurs fusils, qui sont les fusils anglais. Donc on voit voilà, aussi dans les vitrines, donc il y a beaucoup de colliers, là, tirés l'étang, des parures. Des colliers dits de traite, hein, alors qui sont fabriqués dans toute l'Europe, beaucoup à Venise, mais aussi en Bohême, en Tchécoslovaquie, en Allemagne, en Angleterre, donc des colliers de perles de verre, de différentes couleurs, de différentes formes, qui sont un élément important dans les traites, alors pas seulement les traites négrières, dans le commerce général en Afrique. Alors, on voit là une tunique Yoruba, hein, pour montrer un petit peu ce que les Africains peuvent faire avec ces perles de traite. Alors, là, de belles choses. Hein. Une tunique de Shango, qui est un ancien roi Yoruba de l'empire d'Oyo, qui est très connu dans les cultes afro-cubains ou afro-brésiliens, et qui est un personnage flamboyant, le maître des tambours, le maître du rythme et de la musique. Une représentation d'un plan de coupe d'un navire négrier. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en moyenne, il y avait 300 esclaves sur un navire négrier, que les hommes étaient attachés et les femmes et les enfants, eux, n'étaient pas entravés. Alors, généralement, il n'y avait pas d'enfants de moins de 8 ans à bord des navires négriers, parce que leur chance de survie était très faible et les négriers d'expérience n'achetaient pas d'enfants trop jeunes, parce qu'ils savaient que ce serait une perte. Et donc, vous avez ici donc cet entassement, en gros, 2 personnes par mètre cube. Donc vous imaginez l'horreur que ça a pu être de promiscuité. Et le nombre de morts par expédition négrière était évalué à peu près à 13%. Et alors, les hommes d'équipage qui étaient chargés de surveiller ces esclaves mouraient également aussi de l'ordre de 40%, parce qu'ils mouraient surtout des maladies tropicales. D'où est venue cette idée que l'Africain était plus résistant et donc c'était la main-d'œuvre qu'il fallait pour produire du sucre, de l'indigo, du café, du coton. Et sur la question, enfin aujourd'hui, Frédéric Réjean ou Thierry Létang, de la question de la rentabilité. Alors, c'est rentable pour le négociant. Une expédition négrière peut parfois doubler la mise de celui qui investit. Maintenant, est-ce que c'est rentable pour l'État ? L'État doit payer une marine de guerre, ça entraîne des conflits. C'est absolument pas rentable sur le plan macroéconomique, mais l'État, lui, l'État monarchique, oui, ce qu'il recherche, c'est la puissance. Et la recherche de la puissance n'a aucun prix. Alors, ça, c'est pour le trafic régulier, celui où l'on paie des taxes de douane. Mais il semble que le trafic clandestin était plus intéressant. La Guadeloupe s'est beaucoup ravitaillée sur le trafic d'interlope. Et à la fin de la période esclavagiste, ou entre 1815 et 1835, de nombreux négriers partent de Guadeloupe en droiture vers l'Afrique sur de petits bâtiments qui sont des goélettes comme celles que l'on voit là en coupe. Et certains ravitaillent non seulement les Antilles, les colonies françaises, mais également le Brésil, Cuba, etc. Et c'est un trafic clandestin qui est, quand vous êtes poursuivi par un vapeur à voile et à vapeur anglais et français, les esclaves sont jetés à l'eau pour que le vapeur puisse les récupérer et ainsi le négrier puisse avoir le temps de s'échapper. C'est vraiment le trafic le plus abominable à ce moment-là, qu'il soit, les goélettes sont toutes petites et l'entassement est véritablement supérieur. Hein, ils arrivent à mettre sur une goélette, par exemple, nous avons le cas du Wanderer, au départ un bateau de course qui a couru la Coupe de l'Amérique, racheté par un négrier qui parvient à y entasser 800 esclaves. Et qui est le dernier négrier américain. Il a le temps juste d'arriver quelques semaines avant la guerre de sécession, etc. Donc là, ici, c'est un module consacré aux révoltes, aux vertes, aux émeutes, aux complots, aux diverses conspirations qui ont constellé il y a des siècles, cette partie du monde. Alors, ici, un module consacré au rôle historique de la franc-maçonnerie, hein, ici aux Antilles et dans les métropoles coloniales, francs-maçons qui ont joué un rôle, hein, assez rétrograde aux colonies. Les loges sont fermées aux hommes, non seulement aux esclaves noirs, mais aux hommes de couleur libre qui vont parvenir à y entrer une décennie ou deux décennies avant l'abolition de 1848. Et puis, un rôle plus intéressant à Paris, en France, à Londres, etc., à Vienne, par exemple, où, historiquement, on compte beaucoup d'hommes de couleur libre qui sont de francs-maçons et qui participent à à l'évolution de cette philanthropie. Schœlcher est un franc-maçon, on connaît le cas de Chevalier de Saint-Georges, le cas d'Angelo Soliman, l'initiateur de Mozart, bref, oui, il y en a. Concernant donc les francs-maçons des Antilles, ils sont pour la liberté, mais enfin certaines libertés, la liberté du commerce, et puis la liberté d'eux-mêmes en tant que blancs pour administrer eux-mêmes les colonies par rapport à ce qu'ils appellent le despotisme ministériel, c'est-à-dire le gouverneur et l'intendant qui sont nommés par le roi à Versailles. Nous pénétrons l'archipel dédié à la période révolutionnaire. Ici, nous avons un module consacré à la période révolutionnaire, ici en Guadeloupe, illustré un peu par l'œuvre de l'artiste guadeloupéen Chuck Wan. Une œuvre contemporaine, là, une œuvre de création contemporaine. C'est une œuvre de création contemporaine qui aide un petit peu à imaginer ce qu'a pu être cet événement tragique. Donc c'est des corps démembrés, noirs, sur fond d'une carte, avec des couleurs de rouge, orange, qui j'imagine signifie voilà, le sang. Alors Frédéric Réjean, parce que là c'est l'histoire de l'abolition de l'esclavage et de son rétablissement. Oui, alors suite donc aux différentes révoltes de libres de couleur, d'esclaves, des combats de blancs entre eux qui passent pour remporter des victoires, arment massivement les esclaves, eh bien l'esclavage va d'abord être aboli à Saint-Domingue en 1793 et la Convention nationale, le 4 février 1794, abolit l'esclavage dans toutes les îles et transforme tous les esclaves en citoyens. Et le lendemain, le 5 février 1794, donc c'est un texte qu'on a retrouvé récemment, eh bien, elle déclare que l'esclavage est un crime de lèse-humanité et que tout propriétaire d'esclaves sera déchu de la citoyenneté française. C'est-à-dire l'une des peines les plus importantes. Même pour haute trahison, on n'est pas déchu de la citoyenneté française. Donc c'est quasiment l'invention du concept de crime contre l'humanité qui commence à ce moment-là. En 1802, donc Napoléon Bonaparte, avec le retour de la paix, il pense qu'il peut rétablir un ordre esclavagiste, productiviste, et surtout tous ces soldats de couleur, les mettre au pas. Alors il hésite un moment, il se dit qu'il va peut-être traiter avec Toussaint Louverture, mais Toussaint Louverture montrant beaucoup d'autonomie. Les officiers de Guadeloupe, eux aussi, ont renvoyé un envoyé de Bonaparte, et donc se révoltent, et... Bonaparte va envoyer une expédition, l'expédition Richepanse, en mai 1802. Et il va y avoir une résistance menée par un officier métis, martiniquais, fils naturel d'un haut fonctionnaire colonial, qui va mener une lutte pendant 3 semaines. Et puis finalement, sentant qu'il va perdre, fait exploser son retranchement. Et d'après les récits de l'époque, il y aurait eu entre 300 et 500 de ces hommes qui serait mort lors de cette explosion qui a lieu près de la Soufrière à Matouba. Et ça, c'est dans l'histoire guadeloupéenne, la mémoire guadeloupéenne, oui. C'est quelque chose qui est... Vivre libre ou mourir. Ouais, voilà. Ouais. Hein, c'est le cri des Jacobins noirs, des sans-culottes noirs qui vont jusqu'à la fin être fidèles à leur slogan. Et c'est la geste guadeloupéenne qui est célébré dans l'histoire de toutes les Antilles. C'est véritablement la période lumineuse, en tout cas, quant aux idées de la Guadeloupe. Frédéric Réjean, oui. Mes collègues d'histoire-géographie me disent la date qui est la plus ancrée dans la tête des enfants scolarisés, c'est 1802 en Guadeloupe. C'est le rétablissement de l'esclavage, c'est le traumatisme. Voilà, c'est le rétablissement de l'esclavage. Bon, faut dire, en 2002, il y a eu le bicentenaire de ces événements dramatiques. Il y avait eu des reconstitutions. Et donc, c'est quelque chose qui touche énormément la population. Et je pense qu'il y a quand même encore un lien historique par rapport à cela. Hein, parce que nous sommes l'un des seuls endroits du monde où l'esclavage a été aboli, puis rétabli, puis à nouveau aboli. On va finir donc ce parcours de l'exposition, peut-être dans la dernière salle, puisque le Memorial Act dans son ensemble et les salles d'exposition veulent évidemment sont tournées vers l'avenir. Hein, c'est un peu la grande devise. Et donc c'est une manière de traiter aussi les questions de l'esclavage aujourd'hui. Oui, c'est pour nous une façon de dire que cette problématique d'asservissement, de contrainte, de réification de l'être humain n'est pas terminée. Plus de 36 millions d'esclaves sont recensés dans le monde d'aujourd'hui. Et il nous faut, nous contemporains, nous vivants, présents en 2015, être particulièrement vigilants pour que le tout le travail effectué par nos pères, nos aïeux, ne reste pas lettre morte et qu'il est probablement encore à continuer aujourd'hui et demain pour que nous laissions un monde tant soit peu libre à nos enfants et à nos petits-enfants. 10 mai 2015, extrait du discours d'inauguration de Victorin Lurel, président de la région Guadeloupe. Or donc, il s'agit d'inauguration. En fait, il s'agit de renaissance. Il s'agit de lieu mémorial. Il s'agit de métamorphose de soi et de site. Il ne s'agit point de pensée insurrectionnelle, mais bien d'action résurrectionnelle. Il est de rares instants dans la vie d'une communauté et dans celle d'un homme où l'on peut ressentir cette curieuse et forte impression d'être à la fois témoin et acteur d'un grand moment historique. C'est ce sentiment qui m'anime ce matin, en ce 10 mai 2015, sur ce site chargé d'histoire qui vit aller et venir tant de navires négriers. En ce dimanche 10 mai, journée nationale française de mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions, vous vivez, non pas métaphoriquement, mais concrètement, la métamorphose de ce site, désormais transformé en beauté, en temple dédié aux âmes de nos ancêtres. Elle scintille toute désormais dans le granit de la boîte noire et nous exhorte au vivant par le vif argent de la résille. Le Memorial Act sera leur panthéon. Merci à Bruno Hérault, Luc Reynette, Jean-Pierre Sainton, Bruno Badiche, Thierry Létan et Frédéric Réjean. Merci également à la région Guadeloupe et à Claudine Collin Communication. Prise de son, Yvan Charby. Mixage, Guillaume Ledu. Une émission proposée par Séverine Liattard et Séverine Cassard. Demain, nous continuons et terminons cette série consacrée à l'histoire de l'esclavage en nous intéressant dans le débat du jeudi aux résistances à l'esclavage. Vous pouvez écouter, réécouter toutes ces émissions sur l'esclavage sur le site franceculture.fr et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous avez été déjà très nombreux à le faire depuis le début de cette semaine.